permettez que je retrouve mes textes. Ah voilà, c'est bien comme ça. Donc Jean, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 35. Voilà. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie « Maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils vinrent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, Jésus dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Je m'arrête là. On pouvait continuer les textes jusqu'à la fin, c'est très intéressant, cette rencontre de Simon, d'abord d'André, Simon et Jésus. Le deuxième passage, c'est Jean chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-le asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils le ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Ce n'est pas encore la fin. Nous terminons avec Jean chapitre 12. Et je lis à partir du verset 21. Donc je commence avec le verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Voilà, bien-aimés, les trois passages que nous venons de lire, mais les trois passages riches en événements. Les trois passages riches dans la mesure où il nous parle d'André, de Philippe, de Pierre et de notre Seigneur Jésus. Et comme la chorale a chanté tout à l'heure, Jésus appelé ici Rabbi, ce qui veut dire maître, Seigneur. Et quand s'appelait Rabbi, c'est mon maître, mon Seigneur. C'est ce que le texte veut donc dire. Nous sommes là donc dans les trois textes Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble voir l'importance du témoignage personnel, de votre témoignage individuel, de votre témoignage auprès d'autres personnes. Ce que votre témoignage peut bien faire, ce que votre témoignage peut bien apporter. Et j'aimerais rester avec, vous l'avez deviné, cette personne, André. Évidemment, il y a André, papa André avec nous ici, dans l'église, il y a aussi plusieurs André. Mais nous voyons ici André, le frère de Simon Pierre. Le Simon que Jésus va appeler Pierre. Que Simon, que Jésus va dire, tu seras appelé Cephas ou Pierre. Nous voyons ce personnage. Donc, vous avez même deviné, comme je disais tout à l'heure, que vous avez vu que dans tous mes trois textes, vous trouvez le personnage central. Si vous avez bien suivi, c'est André qui joue un grand rôle ici, dans ces trois textes. Dans le premier, vous avez compris que Jésus est au début de son ministère. Il est en train de passer, mais Jean le Baptiste, le connaissant, peut indiquer aux disciples qui étaient avec lui, dont André, pour dire, l'autre disciple probablement peut être Jean, et parce qu'il ne se cite pas, il ne se nomme pas, mais ici Jean-Baptiste peut dire à ses deux disciples qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu. Donc voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, Jean indique ici que Jésus est le Messie. C'est Jésus qui était attendu. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Enfin, c'est le chef et c'est lui le Messie ou loin de l'Éternel ou encore ce que les Grecs ont appelé Christos, donc le Christ. C'est lui qui est venu de la part de Dieu. Vous savez que Jean avait reconnu Jésus lors de son baptême, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et que, n'est-ce pas, vous vous souvenez aussi qu'il y avait eu un entretien, une discussion même entre Jésus et Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Il disait, non, c'est toi qui dois me baptiser. Alors, voilà donc, nous voyons que Jésus, qui est au début de son ministère, de passage, Jean l'identifie et dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Messie de Dieu, comme je venais de dire tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? Directement, le disciple de Jean se transforme, change de maître. Ils vont vers Jésus. Parce que Jean leur avait indiqué que Jésus était là. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui donc qui doit mourir. C'est lui donc que le peuple attendait depuis longtemps. Le Messie donc attendu, le Messie qui a été annoncé par des prophètes, c'est lui. Le voilà, il est là. Donc, le disciple de Jean suit Jésus et ils vont rester avec lui. Mais dans le texte, comme je vous ai dit que je vous parle du témoignage chrétien, l'importance du témoignage chrétien, nous voyons alors que Jean a indiqué à ses deux disciples Jésus, il leur a montré Jésus. Voilà, c'est Jésus, c'est lui. C'est celui-là. On ne sait pas, nous ne savons pas si ces disciples avaient déjà demandé à leur maître de leur montrer Jésus dont on parlait. Mais là, ils ont la preuve évidente que Jésus est présent. Et Jean leur montre Jésus. Et ils suivent Jésus. Voilà, Jean n'est pas jaloux que ses disciples puissent suivre Jésus. Jean indique bien le maître. C'est lui que tout le monde attendait, il est là. Donc vous pouvez maintenant aller vers lui. Donc les deux disciples suivent Jésus. Les deux disciples restent avec Jésus. Ils demandent à Jésus où il demeurait. Et ils vont avec lui. Ils restent avec lui. Mais mes frères, quand nous regardons dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu, vous avez suivi, vous avez lu, que les disciples qui suivent Jésus, l'un des disciples rencontre son frère, qui est Pierre. Il dit aussitôt, il ne lui cache pas la nouvelle. La chorale a chanté tout à l'heure en Lingala, Bongwana Ikoti et Yesu Azali Final. Donc, pour quelqu'un qui parle Lingala, quand on dit Yesu Azali Final, peut-être vous ne pouvez pas comprendre, mes frères et mes soeurs qui ne comprenaient pas le Lingala, mais ça veut dire que Jésus, c'est le top, il n'y a pas, après Jésus, il n'y a pas encore une autre personne. Donc, Jésus qui est le plus important, c'est Jésus qui donne alors la vie, et c'est Jésus qui est tout. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas faire d'autre chose en une autre personne. C'est Jésus qui donne le salut, c'est Jésus qui donne tout ce dont nous avons besoin dans le monde. En d'autres termes, c'est ce qu'on dit là. Mais voilà ici, Jean, conscient de ce, André, conscient de cela, dit à son frère Pierre, nous avons trouvé le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Vous voyez comment la nouvelle, la bonne nouvelle va partir maintenant plus vite, va se propager. Donc, André n'hésite pas, il dit à son frère, nous avons vu Jésus. Et si vous continuez, vous pouvez voir aussi que Philippe aussi fera la même chose. Mais ici, voilà que tout de suite, aussi Pierre va suivre Jésus. Pierre devient disciple de Jésus au travers de son frère, au travers du témoignage porté par son frère. Il va le suivre aussi. Et quand nous partons dans l'autre texte, nous voyons alors que maintenant les disciples sont avec Jésus, ils vivent avec lui. Ils sont devenus ses disciples, André, Pierre, Philippe, Nathanaël et d'autres, Barthélemy, sont donc devenus des disciples de Jésus. Donc le deuxième texte que nous avons lu, nous voyons là, Jésus est devant une foule immense. Il y a plusieurs personnes qui le suivent. Il y a plusieurs personnes qui veulent l'écouter, qui écoutent Jésus. Et Jésus a enseigné, ces personnes ont entendu la parole de Dieu. Mais voilà, ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils ont faim. Il faut leur donner quelque chose. Et c'est là encore que nous voyons cette personne, André, s'est manifestée. Nous connaissons bien Pierre, nous connaissons même bien Paul ou André, mais nous voyons là, André aussi va intervenir encore parce qu'on est dans le besoin. Il faut trouver de la nourriture, mais il n'y a que 5 pains et quelques poissons. Qu'est-ce que cela représente? Mais c'est André encore qui vient ici dire à Jésus, il y a un garçon qui a ici 5 pains, mais qu'est-ce que cela représente devant des milliers de gens ici? Nous voyons qu'André joue ici aussi un grand rôle. Il part vers Jésus, il parle à Jésus. Il a quand même confiance en Jésus. Il a foi en Jésus. Aujourd'hui, on dira qu'il a foi en Jésus. Il part vers lui. Et il amène donc de la nourriture, le quelques 5 pains qu'il amène, n'est-ce pas? Et voilà, le miracle se produit. Le miracle se produit parce que André, c'est un homme de relation, un homme qui prend des contacts, un homme qui est obéissant, un homme qui écoute, qui sait que son maître peut faire quelque chose, quand bien même lui ne sait rien ce que ça peut représenter, mais tout de même, il informe le maître. Et c'est au maître de faire, au maître de jouer, si vous voulez, au maître d'agir. Et il y a de la nourriture pour tous. Dans l'autre texte, le troisième, vous vous rendez compte que je ne prendrai même pas trop de temps, comme je l'avais promis tout à l'heure, je l'avais dit tout à l'heure. Dans le troisième texte, nous voyons encore une fois André. Il y a des gens qui viennent. Ces gens viennent, ils veulent voir Jésus. Ces gens se trouvent dans le besoin cette fois-là. Ce n'est plus le besoin de nourriture. Ils ne sont pas dans le besoin d'argent. Ils ne sont pas dans le besoin de biens matériels. Ces gens veulent tout simplement voir Jésus. Nous ne savons pas s'il y avait des barrières qui les empêchaient de voir Jésus, mais au moins je peux relever, n'est-ce pas, quelques barrières culturelles, quelques barrières sociales, si vous voulez. Ici, il y a la barrière culturelle. Jésus est juif avec ses disciples. Bien entendu, il est fils de Dieu, mais il est né, n'est-ce pas, juif là-bas. Il est avec des juifs. Donc, ceux qui viennent pour le voir, ce sont des Grecs. Donc ce sont des païens aux yeux, n'est-ce pas, de juifs. Ce sont des gens, si vous voulez, ne sont pas des gens propres. Ils ne peuvent pas être dans le camp de gens de la nation élue. Donc ce sont des païens. Ils ne peuvent pas. Peut-être c'est une des barrières qui pouvait les empêcher. Mais je pouvais relever peut-être encore l'autre barrière. C'est peut-être la barrière linguistique. Mais ces gens, ils vont s'exprimer avec Jésus dans quelle langue? Mais voilà que on fait, c'est Philippe cette fois-là, qui y a qui connaît ces gens-là, qui a vu, qui a entendu dans la masse les gens qui cherchent Jésus. Et voilà que maintenant, on peut encore voir André. André joue un grand rôle. Il joue le rôle de maillon de transmission. Il est là. Il peut servir, n'est-ce pas, de... Il peut servir entre les deux. Il peut courroie de transmission. Il peut aller vers ces gens-là. Il peut leur parler. Et il peut aller dire encore à Jésus qu'il y a deux gens qui veulent bien vous voir. Donc, nous sommes là en présence de ces Juifs qui sont avec leur maître, Jésus. Mais il y a des gens de Grecs, de païens, mais qui veulent voir Jésus. Et André va les conduire vers Jésus. Et vous voyez, Jésus ici dit, en tout cas, le temps vient, ou le temps est venu, où le Fils de Dieu doit être glorifié, honoré. Et ces gens peuvent ainsi voir Jésus. Mais tout de suite, Jésus parle de sa mort. Parce qu'il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire encore davantage. Et voilà que ces gens sont en contact de Jésus. Ils ont entendu Jésus parler aussi. Ils l'ont vu. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais nous pouvons dire que ces gens avaient besoin d'entendre aussi la parole de Dieu, de voir Jésus lui-même. Et notre officiant disait que Jésus est la parole. Et je ne voudrais pas entrer dans ce qu'il a déjà dit, mais il nous montre que Jésus était aussi la parole de Dieu. Donc, Fils de Dieu, il est là, et ces gens peuvent le voir. Donc, nous voyons là que la parole de Dieu se propage avec ou au travers des hommes. Sans des hommes, la parole de Dieu ne peut pas être annoncée. Et la parole de Dieu ne peut pas être connue, elle ne peut pas se propager. Ici, nous voyons que André joue un grand rôle dans la vie, dans l'annonce de la parole, dans le témoignage de la parole de Dieu, dans le témoignage, n'est-ce pas, chrétien. André a joué aussi un grand rôle. Nous voyons qu'il prend des initiatives. C'est un homme qui prend des initiatives. Mais quelque chose qui me frappe dans la vie d'André, c'est un homme effacé. Un homme effacé, mais un homme efficace. Un homme, on peut dire aujourd'hui, quand nous regardons la RTBF, nous voyons qu'il y a des gens qui passent, n'est-ce pas, qui sont là, qui font le journal parler, donc qui font des informations. Nous voyons souvent ces gens-là. Mais pour que le travail, c'est le travail qui a été fait par plusieurs personnes, le travail d'équipe qui a été fait par plusieurs personnes, il y a des rédacteurs, mais nous ne connaissons parfois pas de rédacteurs, ceux qui ont rédigé de textes, ceux qui ont analysé des événements, ceux qui ont dit, quand nous annonçons cette information, quel impact elle aura sur des personnes. Nous ne voyons pas toutes ces personnes-là, mais nous voyons seulement des journalistes. Nous connaissons mieux les noms de ceux qui se présentent devant l'écran. C'est aussi, je prends cet exemple-là pour montrer que c'est comme ça aussi parfois la vie dans l'église. Dans l'église, on voit bien le pasteur comme je suis devant. Je suis bien connu pasteur Chiyoyo. On voit des anciens. Mais c'est parfois des anciens qui parlent. C'est parfois des anciens qui engagent l'église. Et c'est parfois des pasteurs. Mais quand nous regardons dans le texte, nous voyons qu'il y a André, qu'il y a des gens que nous pouvons nommer André, qui sont effacés, que nous ne voyons pas ici. Et même pour présenter la prédication, ici je crois que vous avez prié pour que Dieu vous parle aujourd'hui. Et on ne vous voit pas ici devant, maintenant en train de parler. C'est moi qui parle. Mais c'est vous qui avez préparé tout ce que je suis en train de faire par vos prières. Donc vous voyez ici, c'est le rôle un peu d'André. Ce sont des gens qui font du travail dans l'ombre, qui prient. Ces gens sont parfois plus efficaces que des gens qui se mettent devant. Et si je vous dis cela, c'est pour vous encourager, pour que vous puissiez savoir que vous avez chacun de vous, chacun de nous, a une place importante au sein de cette communauté. Et si vous voulez que cette communauté aille de l'avant, faites comme André. Peut-être soyez chez vous en train d'intercéder. Priez pour des gens qui prêchent. Et qu'est-ce que vous devez aussi faire? Prenez aussi des contacts. Ayez aussi des initiatives comme André. pour contacter des gens. Sachez que les 6000 personnes ou 3000 ou je ne sais pas combien qui étaient avec Jésus n'auraient pas mangé si André n'avait pas pris de contact avec le garçon qui avait le pain et le poisson. Et vous voyez aussi là, nous pouvons aller plus loin, que ces garçons-là aussi, s'ils n'avaient pas amené ces cinq pains et le poisson, André n'aurait pas eu le travail. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parce que ces garçons avaient quand même eu le poisson et le pain, ainsi André peut le contacter. Donc vous voyez, c'est un travail de chaîne aussi. C'est important. Tout à l'heure, pour que nous ayons un bon culte et beau, il a fallu que la chorale chante. Il a fallu que nous ayons les rétroprojecteurs, que nous ayons maintenant le micro pour que je parle sans forcer. C'est parce que si vous regardez, c'est un travail de groupe. C'est un travail de chacun de nous. Donc il est important que chacun de nous devienne André. Devienne André dans le travail de Dieu, dans le témoignage chrétien, dans le contact avec les autres. Et j'aimerais aller encore plus loin. Regardez, André était juif, bien entendu, juif, frère de Pierre, n'est-ce pas? André ne s'est pas contenté seulement de contacter le juif. On ne parle pas ici de juifs, mais on parle un peu d'une catégorie de gens aussi spéciale, de grecs. Ce sont des Européens, je pense. Ils sont aussi membres de l'Union Européenne, c'est ça? Et voilà, et nous sommes en Belgique, c'est ça? Et l'église se trouve ici en Belgique, ici à Louvain-la-Neuve, où il y a plusieurs communautés, plusieurs, n'est-ce pas, pays qui passent par ici. Vous voyez que Dieu, en vous plaçant ici et maintenant, il veut que vous jouiez aussi le rôle d'André, que vous puissiez aussi aller vers les autres, pour que l'église ne soit pas une église monoculturelle, que ce ne soit pas seulement une église d'Africains, que ce ne soit pas seulement une église de quelques personnes, mais que prochainement, ça soit une église, n'est-ce pas, où on voit tout le monde. Je suis déjà encouragé de voir qu'il y a des Anglais, et puis des Belges, et puis ma sœur est coréenne, chinoise, voilà. Ok, et puis il y a ma sœur qui est chilienne, et puis vous voyez un peu, c'est déjà quelque chose. Mais il faut aller plus loin que cela. Si nous voulons faire comme André, c'est possible de faire comme André. Mais comment? Dans l'obéissance, dans la foi, dans les initiatives, dans l'annonce de la parole. Donc André ici, on peut dire qu'il est évangéliste, mais on peut dire aussi qu'il s'était chargé des relations publiques, bien entendu, parce qu'il prend des contacts. Et voilà, vous voyez qu'il a amené à Jésus un homme qui est devenu célèbre, Pierre. Dans les Actes des Apôtres, quand vous lisez, vous verrez ce que Pierre est en train de faire, ou ce que Pierre fait. En tout cas, Jésus, il est Dieu, mais il me semble ici qu'il a fallu que André, qui connaissait Pierre, l'amène auprès de lui, pour que Pierre aussi devienne disciple. Mais regardez dans André, quelque chose de très intéressant, c'est qu'André connaît aussi les Écritures. Quand il parle avec Pierre, il dit, nous avons, n'est-ce pas, vu, ou nous avons rencontré Jésus, celui qu'on appelle le Christ, le Messie. Pour les Juifs, quand on dit le Messie, c'est fort, c'est quelqu'un d'attendu, parce que les prophètes ont parlé de la part de, ont parlé du Messie. Depuis Moïse jusqu'au dernier prophète, ils ont parlé toujours du Messie qui devait venir. Et maintenant, quand André parle à son frère qu'ils ont reçu le Messie, ils ont rencontré le Messie, c'est que c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons dans notre texte, j'aimerais vous donner un exemple de notre temps ici et maintenant. Ici, c'est André qui a vu, n'est-ce pas, le grec, qui a vu le garçon qui avait le poisson, qui a rencontré son frère Pierre. Mais aujourd'hui, je crois que vous connaissez un grand pasteur, un pasteur tout le monde connaît le nom. Vous connaissez monsieur le pasteur Yonggi Cho, n'est-ce pas? Ou bien vous avez déjà entendu parler de lui. Mais vous savez comment il est arrivé à la foi en Jésus-Christ? C'est un homme qui était malade. Il souffrait de la tuberculose. Il allait même en mourir. Mais une vieille dame qui vient lui parler de Jésus, qui vient lui dire, Jésus est capable de te guérir. Donne-toi Jésus. Et il le refusait. Mais parce que la dame avait vraiment de la compassion pour monsieur Yonggi Cho, monsieur Yonggi Cho a accepté de prendre la Bible. Et quand il a commencé à lire, il commence Matthieu, là-bas il trouve les générations, Jésus est fils de ceci, fils. Ah, il dit, mais ça c'est quoi encore? Mais voilà que, parce que la dame priait pour lui, et lui a parlé de Jésus, Yonggi Cho a donné sa vie à Jésus, et il a été guéri, et maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont là, parce qu'il a accepté Jésus. Mais, regardez, aujourd'hui il est bien connu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on connaît le nom de la dame qui lui a annoncé Jésus-Christ? Pratiquement pas. Mais vous pensez que Jésus, vous pensez que Dieu oublie la femme là? Dieu connaît la femme. Il connaît son nom. Et permettez-moi, s'il y a des banques là au ciel, c'est que la banque de la femme, comprenez-moi, elle doit avoir beaucoup d'argent. Elle doit avoir beaucoup. Mais tout ce que je sais, que là au ciel, il y a des couronnes. Ça, je suis sûr. Il y a des récompenses. La femme sera, je ne sais pas quelle couronne elle aura, cette dame-là. N'est-ce pas? Parce qu'il a mené à la foi. Il a conduit à la foi un homme qui, aujourd'hui, a mené des milliers aussi à la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le dernier texte que nous avons lu aussi, il y a un autre élément. Nous voyons là que la vie d'une communauté, c'est une vie, n'est-ce pas, d'équipe. Parce qu'on voit Philippe qui parle avec André. Donc c'est la vie d'ensemble. Ce n'est pas une vie individuelle. C'est la vie de la communion. Quand on vit dans la communion, quand il n'y a pas de barrière entre deux gens, on est capable de faire de grandes choses. Et c'est le cas ici. Des Grecs ont eu le salut en voyant Jésus parce qu'il y avait cette communion entre Philippe et André. Parce qu'il y avait aussi cette communion entre les deux avec le maître Jésus. Parce qu'il pouvait parler au maître librement. Et c'est la raison pour laquelle ici on voit que ces gens travaillent de commun accord, en communion et ensemble. C'est la raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, si vous voulez que vous puissiez être efficace dans la vie, dans le témoignage chrétien, il faudra que vous soyez obéissant. Et pour être obéissant, il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être obéissant. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, je doute fort que vous puissiez devenir des gens, des femmes et des hommes qui prennent des initiatives. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu et si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous ne serez pas des évangélistes. Vous ne serez pas des gens, des femmes et des hommes qui témoignent efficacement. Donc vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et comme nous avons dit tout à l'heure, ces trois textes en le partageant avec vous, j'avais, n'est-ce pas, quelques objectifs. Je voulais vous rappeler que nous ne sommes qu'au premier trimestre de l'année. C'est qu'il reste encore, je crois, 3 trimestres pour que nous atteignions la fin de l'année. Nous arriverons à la fin de l'année, n'est-ce pas? C'est que vous pouvez, si vous n'avez pas travaillé pendant le premier trimestre, vous avez encore la possibilité de travailler, de témoigner Jésus auprès des autres personnes, de parler de Jésus à d'autres au cours de 3 trimestres qui restent. Et j'ai dit, nous sommes aussi au début du millénaire. Les millénaires passés, les deux millénaires passés ont été caractérisés par, n'est-ce pas, les missions, le réveil missionnaire. Toutes les personnes voulaient aller annoncer la parole de Dieu, du moins les personnes ici en Occident. Mais maintenant, au début de ces millénaires, l'Occident est devenu post-chrétien, comme on dit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, vous êtes là, vous connaissez la parole de Dieu. Est-ce que vous devez rester seulement entre vous? Rester seulement entre nous parce que nous avons connu Jésus, c'est fini? Non. Parce que nous connaissons qui est Jésus. Maintenant, faisons comme André. Allons vers les autres qui ne connaissent pas Jésus pour qu'au cours des trimestres qui viennent, Dieu vous utilisant, que nous puissions gagner encore plus de gens à Jésus-Christ. Et un autre élément que je voulais dire, c'est que étant au début du millénaire et au début, et au troisième trimestre, nous pouvons ensemble dire que Jésus est le Christ, proclamer Jésus comme le Christ. Quand nous proclamons Jésus comme le Christ, c'est que nous disons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le salut est uniquement en Jésus. Et que aujourd'hui, nous devons aller vers les autres pour qu'ils puissent entendre aussi la parole de Dieu, qu'ils reçoivent aussi le Christ et qu'ils soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle. Et parce que nous sommes encore au premier trimestre, donc nous devons proclamer ensemble que Jésus est notre Rabbi, donc mon Seigneur, notre Seigneur, et que nous devons dire aussi aux autres que Jésus sauve, Jésus donne la vie. Et parce que nous sommes encore au premier trimestre, nous pouvons dire que Jésus étant le chef de l'Église, nous devons maintenant le proclamer. Nous devons faire de lui le Seigneur de gloire et les autres et la vie éternelle. Amen.